إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم. donc aujourd'hui on commence le cours numéro 45. Et on débute le chapitre 33 dans le livre Kitab al-Tawhid, le Sharh Moulakhas de Kitab al-Tawhid, Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer à lire le premier point, le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est au sujet de At-Tawakkul. Donc, c'est au sujet de At-Tawakkul et son lien avec le Tawhid. Et comment se manifestent les formes de shirk dans cette catégorie de tawhid. Donc le cheikh il dit qawlullah ta'ala babun qawlullah ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin fa wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin, c'est-à-dire que c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes réellement des croyants. C'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes réellement des croyants. Ça, c'est le verset 23 dans Surat Al-Ma'ida. Et quand on regarde le contexte de ce verset-là, c'est par rapport à l'histoire de Moussa alayhi salam. C'est par rapport à l'histoire de Moussa alayhi salam dans les versets 21, 22 et 23. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya qawm idkhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qawman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Donc ça signifie en français dans la traduction: ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdant. Ils dirent: ô Moïse, il y a là un peuple de géants, jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent, et s'ils en sortent, alors nous y entrerons. Deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui, qui étaient comblés par Allah des bienfaits, dirent: entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Ils dirent: Moïse, nous n'y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Vas-y donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Il dit: ô Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Il, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit, eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erront sur terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Donc ça c'est le contexte du verset dans lequel on parle de ce sujet, hein, de At-Tawakkul, et que c'est en Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit mettre notre confiance, hein, et que c'est un des grands aspects parmi les aspects de la foi, et que celui qui n'a pas At-Tawakkul, qui ne met pas sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, hein, eh bien ça veut dire qu'il n'a pas de foi. Parce que c'est une condition pour la foi dans le verset. Allah dit, si vous êtes croyant. Le Cheikh il dit, مناسبه الباب لكتاب التوحيد اراد المصنف بهذا الباب بيان ان التوكل فريضه يجب اخلاصه لله لانه من افضل العباده واعلى مقامات التوحيد. Donc la question ou la raison pour laquelle on place ce chapitre sur at-tawakkul, hein, sur le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi on le place dans le kitab al-Tawhid, c'est parce que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a voulu par ce chapitre clarifier que At-Tawakkul est une obligation et qu'il est obligatoire de le rendre pur pour Allah seul, et que c'est une d'entre les meilleures formes d'adoration et une des stations du Tawhid, ou un des degrés du Tawhid qui font partie des degrés les plus élevés du Tawhid. Ensuite, le Cheikh il parle un peu du verset, il dit wa 'ala Allah et la 'ala ghayrihi. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit et c'est en Allah, c'est-à-dire ce n'est pas en nul autre que lui. Fatawakkalu, i'tamidu 'alayhi wa fawwidu umurakum ilayhi. Fatawakkalu, c'est-à-dire hein, reposez votre confiance sur lui seul et remettez lui vos affaires. C'est à lui que vous devez vous en remettre dans vos affaires. Donc reposez-vous sur votre confiance sur lui et c'est en lui que vous devez vous en remettre dans vos affaires. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. Yadhkuru ta'ala anna Musa alayhi salam أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم ولا يرتد على أدبارهم خوفا من الجبارين بل يمضوا قدما ولا يهابونهم ولا يخشونهم متوكلين على الله في هزيمتهم مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. Donc, le Cheikh il mentionne le contexte donc de la signification de ce verset. Il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que Moussa alayhi salam a ordonné à son peuple de rentrer dans la terre sainte qui leur avait été promise et de ne pas retourner sur leurs pas par crainte des géants qui habitaient dans cette région de la terre de Canaan, hein, la Palestine, mais de continuer et d'avancer et de ne pas avoir peur d'eux et de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, avec la conviction qu'ils seront écrasés, qu'on aura la victoire sur eux, et en mettant en ayant confiance et en croyant en la promesse véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils sont réellement croyants. يستفاد من الآية أولا وجوب التوكل على الله وحده سبحانه وأن صرف التوكل لغير الله شرك لأنه عبادة. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset? Premièrement, l'obligation de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et que de tourner ou d'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre notre confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est une forme de shirk. De mettre notre confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de shirk, parce que c'est une adoration. Ensuite, le Cheikh il dit, وثانياً أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي الإيمان عند انتفائه. Et que de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une condition pour que notre foi soit valable et pour qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle soit bonne. et que celui qui n'a pas mis sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sa foi est nulle, il n'a pas de foi. Ensuite le cheikh il mentionne le deuxième verset qui est le verset 2 dans sourate Al-Anfal. Le verset 2 dans sourate Al-Anfal dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قول وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Les croyants sont uniquement ceux que lorsqu'on mentionne le nom d'Allah, leur cœur frémisse. Donc ça c'est le verset 2 dans sourate Al-Anfal, et on voit que dans cette partie que le cheikh a mentionné, il n'y a pas la mention de tawakkul dans qu'est-ce qu'il a mentionné du verset, mais c'est dans la suite qu'il y a la mention de at-tawakkul, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Donc dans ces versets-là qu'on vient de réciter, qui sont dans le début des premiers versets de Sourate Al-Anfal, le Cheikh il dit وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, pour donner la traduction, qu'est-ce que ça signifie, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Donc ils placent leur confiance en leur Seigneur, ça fait partie des caractéristiques de ceux qui sont les vrais croyants. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une donation généreuse. Donc, ce sont les vrais croyants. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ خَافَتْ مِنَ اللَّهِ. Quand on dit que leur cœur frémisse, c'est-à-dire qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils craignent Allah. وَعَلَى رَبِّهِمْ يعني لَا عَلَى غَيْرِهِ. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est en leur Seigneur qu'ils doivent mettre leur confiance, c'est-à-dire en leur Seigneur et non pas en quelqu'un d'autre que lui ou en autre chose que lui. C'est uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils doivent mettre leur confiance. يَتَوَكَّلُونَ يُفَوِّضُونَ إِلَيْهِ أُمُورَهُمْ وَلَا يَخْشَوْنَ وَلَا يَرْجُونَ إِلَّا إِيَّهُ. Donc ils mettent leur confiance, c'est-à-dire ils s'en remettent à lui dans leurs affaires, et ils ne craignent personne d'autre que lui et n'ont espoir qu'en lui. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens global de ce verset. Yasifu Allah jalla wa ala al-mu'minina haqq al-iman bi thalath sifat 'azimah wa hiya awwalan al-khawf minhu 'inda dhikrihi فيفعلون أوامره يتركون زواجره. ثانيا زيادة إيمانهم عند سماع تلاوة كلامه. ثالثا تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه وحده. Donc le cheikh explique que le sens général du verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants qui sont les vrais croyants, ceux qui sont réellement des vrais croyants, en mentionnant trois caractéristiques qui sont des très grandes caractéristiques. Premièrement, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils le craignent lorsqu'ils se mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala ou lorsqu'ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à la mention d'Allah, tout de suite ils ont peur, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémisse. Ils font ce que Allah leur ordonne et ils s'écartent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Deuxièmement, la deuxième caractéristique, c'est le fait que leur foi augmente lorsqu'ils entendent la récitation de sa parole. Ça fait augmenter leur foi, ils sentent leur foi augmenter. Et troisièmement, tafwidul umur ilayhi wa li'timadu alayhi wahdahu. C'est-à-dire qu'ils s'en remettent complètement à lui dans leurs affaires et ils reposent leur confiance en lui. Donc ça c'est les exemples de caractéristiques qui sont mentionnées dans ce verset-là. Et donc on voit que at-tawakkul fait partie de la caractéristique des mu'minin. مناسبه الايه للباب انها تدل على ان التوكل على الله وحده من صفات المؤمنين. Donc, pour quelle raison on mentionne ce verset dans ce chapitre? C'est parce qu'elle indique que de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala lui seul fait partie des caractéristiques des croyants. ما يستفاد من الآية مشروعية التوكل على الله وأنه من صفات المؤمنين. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? Premièrement, le fait qu'il est légiféré et qu'il est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et que ça fait partie des caractéristiques des croyants. ثانيا أن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. On a dans ce verset également comme point numéro 2 la preuve que la foi augmente et que la foi peut diminuer aussi. Elle augmente, plus on fait des actes d'obéissance, notre foi augmente, et plus on fait des péchés et des désobéissances, notre foi diminue. Thalithan, anna al-iman billahi yastad'i at-tawakkul 'alayhi wahdahu. Que le fait de mettre notre confiance, que la foi exige de notre part que nous mettions notre confiance en lui seul. Ça, c'est une des exigences de la foi. Et le point numéro 4, anna min sifat al-mu'minin al-khushu' wa-dhull lillahi ta'ala. Donc, parmi les caractéristiques des croyants, il y a que nous devons être humbles et s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et faire preuve d'humilité. Donc il faut faire preuve d'humilité et de se rabaisser devant notre Créateur. Ensuite, on passe à l'autre verset qui est mentionné dans le chapitre. قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Ça c'est le verset 64 dans Sourate Al-Anfal. Le verset 64 dans Sourate Al-Anfal. Et il y a l'autre verset aussi, qui est le verset 3 dans Sourate Al-Talaq. قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Et quiconque met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. Donc on va commencer donc par lire le contexte du verset 64. Pour voir si on peut tirer de ça un peu plus de clarification. C'est ça. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de mettre la confiance, de mettre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah et ceux des croyants qui, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Le verset 64 dans Sourate Al-Anfal qui signifie au prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Et il dit dans l'autre verset ensuite, le verset 65, au prophète, incite les croyants au combat et s'ils te trouvent, en arabe, يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين من بإذن الله والله مع الصابرين. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Il dit, donc, après avoir mentionné le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô prophète, incite les croyants au combat, et s'ils se trouvent parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Et ensuite, le verset 66, maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. Et s'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000. Par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Donc on voit la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit également la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'allègement de ses ordres et de ses obligations, de ses de ces explications. Donc maintenant on va lire le cheikh, qu'est-ce qu'il explique à ce sujet-là. Dit حسبك الله ومن اتبعك اي كافيك الله وحده وكافي اتباعك وكافي اتباعك فهو حسبه اي كافيه. Donc حسبك الله ومن اتبعك. Bon, mais quand on lit la traduction ici de ce verset-là, on peut peut-être arriver à mal comprendre parfois le sens, qu'est-ce que ça signifie. Parce que dans le verset 64, c'est traduit comme ça, c'est traduit au prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Alors que la signification ici qui est mentionnée, le cheikh il dit, Hasbukallah wa man ittaba'aka, ay kafikallah wahdahu wa kafi atba'ik. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala te suffit à toi ainsi qu'à ceux qui te suivent. Allah lui seul te suffit et suffit également, et il suffit également à ceux qui te suivent. C'est ça la signification qui est mentionnée dans l'explication du cheikh. Donc cette signification là c'est celle qui est correcte. Celle qui est traduite dans la traduction de Médine, il y a donc elle indique pas la bonne signification, puisque c'est traduit en comme si ça donne l'impression que Allah et les croyants qui te suivent te suffisent, alors que c'est plutôt le fait que Allah subhanahu wa ta'ala suffit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux croyants, et Allah lui seul suffit à ceux qui le suivent, au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui le suivent. Fa huwa hasbu, ça veut dire huwa kafi, kafihi ça veut dire c'est le fait que c'est lui qui te suffit. Quand tu dis kafa yakfi, ça veut dire c'est suffisant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il te suffit, ça veut dire tu as juste à mettre ta confiance en lui seul et à dépendre uniquement sur lui. Il te suffit, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est ce que ça signifie. Et al-ma'n al-ijmali lil-ayatayn. يخبر الله سبحانه نبيه وأمته بأنه هو وحده كافيهم فلا يحتاجون معه إلى أحد، فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده، كما جعل سبحانه لكل عمل جزاء، فجعل جزاء التوكل عليه كفايته للمتوكل. فإذا كان الله سبحانه كافيا المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. Donc le cheikh explique que le sens général de ces deux versets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il informe son prophète et il informe sa umma que lui seul leur suffit, ils n'ont pas besoin de personne d'autre avec lui. Et qu'ils doivent donc mettre leur confiance et leur aspiration en lui seul. Et le cheikh dit ensuite, كَمَا جَعَلَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ عَمَلٍ جَزَاءٍ. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à chaque action une rétribution et une récompense ou une punition qui vient avec, alors la rétribution du fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on aura par la suite, comme résultat de ça, que Allah subhanahu wa ta'ala va nous suffire. Donc si tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te récompense en faisant en sorte qu'il te suffit. Donc si le fait de mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu le fais, eh bien ça fait en sorte qu'il te suffit, eh bien dans ce cas-là, il va te préserver et il va te protéger, et aucun de tes ennemis ne pourra espérer quoi que ce soit de toi, c'est-à-dire il ne pourra rien obtenir de toi, il ne pourra jamais avoir non plus le dessus sur toi. فمناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على وجوب التوكل على الله لأنه هو الكافي لمن توكل عليه. Donc la raison pour laquelle on mentionne dans ce chapitre ces deux versets-là, c'est pour montrer que ces deux versets qui indiquent l'obligation pour pour le croyant de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui suffit, celui qui met sa confiance en lui. Ma yustafadu min al-ayatayn, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de la compréhension de ces deux versets? Premièrement, wujub at-tawakkul 'ala Allah, li'annahu min a'zami anwa' al-'ibadah. Premièrement, l'obligation de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une des plus grandes formes d'adoration. ثانياً بيان فضل التوكل على الله وفائدته وأنه أعظم الأسباب لجلب النفع ودفع الضر. Deuxièmement, ça clarifie qu'on doit mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça explique le mérite de mettre notre confiance en Allah et le mérite, يعني le mérite de ça est qu'est-ce qui en découle comme bienfait, hein? Qu'est-ce qui en découle comme bienfait? Donc le mérite et les conséquences positives et les bienfaits qui en sortent. Et que c'est une des plus grandes causes pour obtenir un bienfait et pour s'écarter d'un mal. De mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des plus grandes causes pour ramener pour recevoir un bien, pour obtenir quelque chose de bien qu'on désire, et pour repousser un mal. Et ça, c'est pour faire comprendre en même temps que c'est pas en mettant notre confiance en autre chose qu'Allah qu'on peut repousser un mal ou obtenir un bien, contrairement à ceux, par exemple, qui vont mettre leur confiance en des objets ou en des choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir un bienfait quelconque. Parce que il y en a qui mettent leur confiance, ils mettent leur confiance en un porte-bonheur ou en un objet, un gris-gris ou des trucs de ce genre, et ils ne mettent pas leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils cherchent la protection et ils cherchent l'aide des créatures et des objets. Et ça, c'est du shirk. Hein? Ensuite, le shaykh, il dit, maintenant, donc le deuxième point, on l'a dit. Maintenant, le troisième point, « Anna al-jaza'a min jins al-amal », que la récompense est toujours correspond toujours à l'action que tu fais. Donc la récompense ou la rétribution pour un acte ou pour une parole, elle sera toujours correspondante à la rétribution sera toujours correspondante à l'action et à qu'est-ce que tu fais. Si tu fais le bien, tu auras le bien. Si tu fais le mal, tu auras le mal. Hein? Ouais, donc ensuite, il y a dans le chapitre la mention d'une parole de Abdullah ibn Abbas. Et il explique que c'est une parole que Ibrahim alayhi salam a mentionnée lorsqu'il a été jeté dans le feu. Donc on va lire donc ensemble qu'est-ce que ça signifie cette parole, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce que ça signifie. Et elle est rapportée par Al-Bukhari et elle est également rapportée dans An-Nasa'i. Et donc c'est ça. Ça dit An ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hein, qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar. Donc la parole qui dit Allah nous suffit, et quel bon garant, hein, et quel merveilleux garant. Donc ça, c'est une parole que Ibrahim a dit lorsqu'il a été jeté dans le feu, lorsque son peuple voulait le punir pour avoir insulté leurs idoles. Okay? Donc il a dit cette parole, Allah nous suffit, et quel merveilleux garant. Et également il dit wa qalaha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hina qalu lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a également prononcé cette parole comme c'est mentionné dans sourate Al Imran, le verset 173, lorsque on lui a dit les gens se sont réunis contre vous, alors craignez-les. Et ça a augmenté leur foi, et ils ont dit Allah nous suffit. Et quel merveilleux garant, quel bon garant il est. Donc, ça c'est pour illustrer la situation. Et pour regarder encore une fois le contexte de ce verset-là, dans quel contexte il est dans le Coran et dans quelle occasion il a été révélé dans le Coran, si on regarde, on voit que c'est ça. Le verset dit: certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, alors craignez-les. Hein? Les gens se sont rassemblés contre vous, alors craignez-les. Cela accrut leur foi. Ils dirent: Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Et juste après, et c'est le diable qui vous fait peur par ses adhérents. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Donc, ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de par ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. On voit ici, dans ces versets-là, le contexte donc de ce passage qui nous indique en même temps comment il y a un lien entre le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi. Et également le fait que il ne faut pas avoir peur, hein, des ennemis, des alliés du shaitan. Il ne faut pas avoir peur des alliés du shaitan qui essaient de nous intimider ou de nous faire peur pour qu'on abandonne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que la parole des croyants, lorsque ils ont été éprouvés, eh bien leur réaction, ça a été de dire: hasbunallah wa ni'mal wakil. Celui qui dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner le dessus, il va lui donner le succès. Et si vous regardez dans le cours, par exemple, au sujet de ce passage-là, on a fait le cours 93 dans I'anatul Mustafid, l'autre charh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Al-Fawzan qu'on avait fait. Le cours 93, on a expliqué tout ce passage-là en détail et tout le contexte de la bataille de Badr et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Puis ensuite, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé, la bataille de Uhud. Hein, toute cette explication-là, on a détaillé là-dessus pour expliquer, donc pour faire comprendre réellement le sens de ce verset. Donc, si vous voulez avoir plus de compréhension sur ces versets-là qu'on a mentionnés, retournez donc à cette explication qu'on a faite du cours 93. Maintenant, le Cheikh il explique, il dit: Hasbunallah, et kafina, fala natawakkalu illa alayhi. Donc hasbuna, ça signifie celui qui nous suffit. Donc on va pas mettre notre confiance excepté sur lui seul. Ni'ma al-wakil al-mawkul ilayhi umuru ibadihi. Ni'ma al-wakil, ni'ma ça veut dire quel, hein, comme c'est comme une sorte d'exclamation ou une façon de t'exprimer pour dire comme cette chose-là est bonne, comme cette chose-là est belle. Eh bien, quel bon garant, c'est dans ce sens-là. Ni'ma al-wakil. En voulant dire, c'est lui le meilleur des garants. Et al-ma'na al-ijmali lil-athar. Yarwi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna hadhihi al-kalimata al-'azima hasbunallah wa ni'mal wakeel qalaha al-khalilan Ibrahim wa Muhammad alayhim as-salatu was-salam fi mawqi'ayn aw fi mawqifayn حرجين لقياهما من قومهما، وذلك حينما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله فأبوا وكسر أصنامهم، فأرادوا أن ينتصروا لها، فجمعوا حطبا وأدرموا له نارا ورموه بالمجانيق إليه إلى وسطها. فقال هذه الكلمة، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحينما أرسلت قريش أو حينما أرسلت قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم تتوعده وتقول إنا قد أجمعنا السير إليك وإلى أصحابك لنستأصلكم، فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك هذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Donc le cheikh explique que cette parole d'Abdullah ibn Abbas elle a été prononcée par deux d'entre les Khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux Khalil d'Allah, c'est Ibrahim alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole hasbunallah wa ni'mal wakil, hein, que Allah nous suffit et quel bon garant. Et ils ont dit cette parole dans deux situations très difficiles, lorsqu'ils ont rencontré des épreuves très difficiles de la part de leur peuple. Le premier, c'est l'exemple d'Ibrahim alayhi salam par rapport à son peuple, lorsqu'il les a appelés à adorer Allah seul et d'abandonner l'idolâtrie et les idoles. Ils ont refusé d'accepter le message et de cesser de faire le shirk. Alors Ibrahim alayhi salam a cassé leurs idoles et ils ont voulu essayer de défendre leurs idoles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour défendre leurs idoles? Ils ont fait un grand feu avec du bois, ils ont rassemblé du bois et ils ont mis le feu dedans. Ils ont fait un feu immense et ils ont pris Ibrahim dans un genre de catapulte et ils l'ont propulsé dans le milieu du feu. Et qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim alayhi salam à ce moment-là? Il a dit hasbunallah wa ni'mal wakil. Hein, Allah nous suffit et quel bon garant, hein, quel meilleur garant. Et donc qu'est-ce qui est arrivé comme résultat de ça par la suite? C'est que yani Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au feu de devenir fraîche et d'être frais et d'être une paix pour Ibrahim. Et c'est ce qui est arrivé. Le feu est devenu frais et une source de paix pour Ibrahim. Il n'a pas été brûlé. Donc c'était le verset 69 dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Et lorsque l'autre occasion, c'est par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Quraysh a envoyé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un message pour le menacer, pour lui dire que on a réuni un grand nombre de soldats puis on marche vers toi et tes compagnons pour vous éliminer et vous exterminer. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Il a dit hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit et quel bon garant. Donc le cheikh il dit inna qad ajma'na as-sayr ilayk. Donc c'est ça, lorsque les mushrikoun ont menacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mushrikoun de Quraysh ont menacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les exterminer. Ils ont dit on arrive avec une armée, on marche vers toi et tes compagnons et on va vous exterminer. Alors, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit et quel bon garant il est. C'est le meilleur des garants. Et à la suite de ce verset-là, le verset 174, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl lam yamsasum su'. Donc, ils s'en sont retournés avec une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et une faveur de lui et aucun mal ne les a touchés. Donc ça c'est le résultat du fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Le résultat c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne une grâce de sa part et aucun mal ne nous touche si on met notre confiance en Allah. مناسبه الاثر للباب ان فيه ان هذه الكلمه التي هي كلمه التفويض والاعتماد على الله هي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد، وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء. Donc le cheikh il explique pour quelle raison on mentionne cette parole de yani cette parole dans Kitab al-Tawhid, cette parole d'Abdullah ibn Abbas, c'est parce que c'est la parole du tafwid, la parole du fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en remettre à Allah. On dit cette parole, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et c'est une parole qu'on prononce lorsqu'il y a des grands malheurs ou des grandes difficultés. Comme par exemple, lorsqu'on a des menaces de la part d'un ennemi ou des choses comme ça, on met notre confiance en Allah. Comme lorsque Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit wa yustafadu min al-athar awwalan fadlu hadhihi al-kalima wa annahu yanbaghi an tuqal 'inda ash-shada'id wal-kurub. Donc le premier point qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce verset par rapport à ce verset là, c'est premièrement qu'il faut qu'on dise cette parole lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a des grands malheurs, on doit dire ça. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel bon garant. Et le point numéro 2, an at-tawakkul min a'zam al-asbab fi husul al-khayr wa daf' ash-shar fi ad-dunya wal-akhirah. Que le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des plus grandes causes pour obtenir un bienfait et pour repousser un mal dans la dunya et dans l'au-delà. Donc ça vient réfuter ceux qui mettent leur confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherchent le bien soit d'un objet ou d'une chose ou d'une idole et qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent que cet objet-là ou ce porte-bonheur ou cette idole peut leur ramener un bien quelconque et peut repousser un mal. Donc ça c'est quelqu'un qui n'a pas mis sa confiance en Allah seul et donc ça c'est une forme de shirk. Ensuite le cheikh il dit innal iman yazid wa yanqus. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset, c'est que la foi elle augmente et elle diminue. Que la foi elle augmente et elle diminue. Fazadahum imanan, parce que le verset dit fazadahum imanan. Donc ça prouve que la foi elle augmente. La foi augmente. Donc ensuite le point numéro 4, annama yakrahuhu al-insan qad yakunu khayran lahu. Et le point numéro 4, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est que parfois quelque chose peut être quelque chose qui te déplaît, puis ça c'est quelque chose de bien pour toi, ça devient quelque chose de bien pour toi. Donc maintenant on a terminé donc ce chapitre et on va passer maintenant au chapitre 34. Le chapitre 34. C'est un chapitre au sujet de Al-amnu min makrillah wa al-qunut min rahmatillah. C'est-à-dire ces deux formes parmi les formes des grands péchés. C'est-à-dire le fait de se sentir en sécurité contre le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est deux parmi les plus grands péchés. Donc le cheikh il explique ça, il mentionne les versets à ce sujet. Wa qawlillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun. Ça c'est le verset 99 dans sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce qu'ils se sentent en sécurité face au stratagème d'Allah et à la ruse d'Allah, personne ne se sent en sécurité contre le stratagème d'Allah, excepté un peuple perdant. Et ça, c'est dans le verset 99, dans Sourate Al-A'raf. Et juste avant ça, si on regarde les versets qui précèdent, c'est le verset qui dit ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. C'est-à-dire, si les habitants de la cité avaient cru et avaient été pieux, avaient eu taqwa, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Et le verset qui suit ensuite, les gens de la cité sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas pendant la nuit, alors qu'ils sont endormis? Les gens de la cité sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Hein? Donc il ne faut jamais se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est les versets de 96 à 99. Maintenant le verset qui suit c'est le verset 56 dans Surat al-Hijr. Et quiconque perd espoir à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien nul ne perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, excepté les perdants, excepté les gens qui sont des perdants. Donc ça c'est le verset en question. Et dans Surat al-Hijr, c'est le verset 56. Et ça dit donc, c'est dans le contexte de la visite de Ibrahim lorsque les anges sont venus voir Ibrahim. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Oui, c'est ça. Donc je me suis mélangé ici avec un autre verset. C'est le verset qui dit, ça dit pas excepté les perdants, mais plutôt ça dit excepté les gens égarés. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est lorsque les anges sont venus annoncer à Ibrahim qu'il allait avoir un enfant, malgré son vieil âge. Il dit, m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? Ils dirent, nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Il dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés? Donc c'est ça que ça signifie. Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés, ou accepter les égarés. Donc ça c'est le verset avec son contexte. Et le cheikh il dit, مُنَاسَبَةُ الْبَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيدِ أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب وأن كل منهما ينافي كمال التوحيد وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. Donc la raison pour laquelle on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, on place ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a voulu clarifier par ce chapitre que le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa ruse, et de se sentir comme ayant perdu l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est deux choses qui font partie des plus grands péchés. Et chacun de ces deux-là vient opposer la perfection du tawhid, ou diminuer la perfection du tawhid. Et que le croyant doit réunir deux caractéristiques, la crainte et l'espoir. Donc il doit être dans le juste milieu, entre l'amour, la crainte et l'espoir. Et celui qui perd l'espoir en la miséricorde d'Allah, il a perdu l'espoir. Et celui qui se sent en sécurité contre le stratagème d'Allah, il a perdu la crainte. Et ça, ce sont deux grands péchés parmi les péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala. مكر الله استدراجه العبد بالنعم إذا عصى وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. Donc le cheikh explique que le stratagème d'Allah, qu'est-ce que c'est? Quand on dit مكر الله, c'est quoi? Al-makr, c'est la ruse ou le complot ou le stratagème. Hein? Et la ruse d'Allah, c'est quoi? C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne à son serviteur un délai. Et il le laisse avancer dans sa situation contradictoire à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le laisse avancer dans sa situation, dans son péché, et il lui donne des grâces et du bien. Alors qu'il persiste à désobéir à Allah. Jusqu'à ce qu'il l'attrape et qu'il le saisisse hein, d'une manière puissante et qu'il le punisse par la suite. Donc la personne qui se sent à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il se sent à l'abri de son châtiment. Et qu'il s'imagine que il peut continuer à désobéir à Allah constamment et que Allah va continuer à lui donner de ses grâces. Et ou bien il s'imagine que du moment que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas touché d'un mal quelconque et qu'il persiste à désobéir et à vivre dans le péché, que Allah est satisfait de lui. Peut-être qu'il va s'imaginer qu'Allah est satisfait de lui et ce qu'il fait est bon, est correct. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que cette personne-là donc continue de cette façon-là. En fait, c'est pour mieux l'attraper dans son péché par la suite, hein, et pour établir la preuve contre lui par la suite. Donc, si quelqu'un voit qu'il est en train de commettre un péché et qu'il persiste à le faire, et que malgré tout ça, il y a du bien qui lui arrive dans sa vie, et qu'il n'est pas touché d'un mal, alors il doit commencer à se poser des questions. Il doit commencer à se remettre en question lui-même, puis il doit essayer à ce moment-là de dire que c'est bien possible que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne de l'avance comme ça, qui le laisse avancer dans son péché pour qu'il s'imagine qu'il est correct. Hein? Puis après, par la suite, il va se faire rattraper par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'il persiste dans le péché, dans la désobéissance. Et ça, c'est une des manières comment Allah subhanahu wa ta'ala ruse avec ceux qui rusent avec lui. C'est une rétribution pour les personnes qui essaient de ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui pensent qu'ils sont capables de tromper Allah subhanahu wa ta'ala, de désobéir à Allah, puis de continuer à profiter de ses grâces et de ses bienfaits. Donc le cheikh, il explique, il dit, oui, ça, Al-Khasirun, c'est dans le premier verset, hein, qu'il avait dit, فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Est-ce qu'ils se sentent en sécurité contre le stratagème d'Allah ou ils se sentent à l'abri du châtiment d'Allah et de la ruse d'Allah? Nul, hein, nulle personne ne se sent à l'abri du châtiment ou à l'abri de la ruse d'Allah et de son stratagème, excepté un peuple perdant, un peuple qui va périr. C'est ça que ça signifie. Al-Khasirun ay al-Halikun. Yaqnut. ومن يقنط القنوط استبعاد الفرج واليأس منه. القنوط يعني ça vient du verbe يقنط. يقنط ça vient de القنوط qui veut dire le fait que tu n'espères pas en la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu désespères. Hein? Tu désespères de la miséricorde d'Allah et de la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa délivrance. Donc il n'y a personne qui perd l'espoir en la délivrance et dans la miséricorde d'Allah, excepté un peuple égaré. Al-Dallun, Al-Mukhti'un, Tariq al-Sawab. Ceux qui ont manqué le droit chemin ou la voie correcte. Al-Ma'na al-Ijmali lil-Ayatain, Yadhkurullahu subhanahu wa ta'ala, Hala ahli al-Qura al-Mukadhibina lil-Rusul. An-Nallazi hamalahum ala takzibihim. هو الأمن من استدراج الله لهم وعدم الخوف منه فتمادوا في المعاصي والمخالفات واستبعدوا الاستدراج من الله وهذه حال الهالكين. On voit le sens général de ces deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, il mentionne que qu'est-ce qui a amené les habitants de la cité à traiter les messagers de mensonges ou à les traiter de menteurs, c'est que qu'est-ce qui les a amenés à ça? C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur a laissé un délai et il les a laissés dans le fait qu'ils persistent à faire les péchés et à désobéir, hein, et qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont continué à désobéir à Allah et à contredire les ordres de, des messagers, et ils n'ont pas cru que Allah subhanahu wa ta'ala allait les attraper pour ces péchés-là qu'ils font. Et ça, c'est la situation des peuples perdants et des gens qui vont périr. Et c'est ça qu'on constate. Dans des pays, par exemple, où les gens, par exemple, vivent une vie aisée. Hein. J'ai vu des exemples de ça, dans des exemples de pays où les gens vivent bien. Les gens, ils n'ont pas trop de problèmes dans leur vie. Ils mangent à leur faim. Hein. Ils ont la sécurité. Ils dorment. Ils se lèvent. Ils vont travailler. Ils ont la belle vie. Hein, ils se plaignent de rien. Tout le monde recherche ça. Mais quand cette vie-là, ce genre de vie-là, est accompagnée de désobéissance d'Allah, est accompagnée de, d'indifférence, d'insouciance envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut s'attendre à un châtiment qui va tomber. Et souvent, c'est ça ce qui se passe, c'est que les gens qui ont une vie trop bien, trop aisée, ils perdent hein, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont corrects comme ça. Et ça, c'est une ruse que Allah subhanahu wa ta'ala emploie contre eux pour, en fait, justement, qu'ils s'imaginent qu'ils sont corrects et qu'ils sont bien. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala les frappe de son châtiment. Hein? Mais tu, vous allez voir dans des pays, par exemple, où les gens ont plus de difficultés, plus de misère, et où ils vivent une vie un peu plus dure, vous voyez que ces gens-là, parfois, ils se rattachent beaucoup plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup plus, parce qu'ils réalisent la difficulté des choses et qu'ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et des fois on constate, on a l'impression que dans des pays comme ça, quand dans des pays où les gens sont trop bien, et quand on les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, on les appelle à croire en l'islam, hein, comme par exemple ici les gens à Montréal, en général au Québec, ils ont la belle, une certaine vie, hein, ils sont aisés. Ils n'ont pas trop de problèmes, hein, ils ont leur argent et leur petite vie, comme on dit. Ils ne pensent pas au châtiment qui peut leur atteindre, qui peut tomber d'eux d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire venir des châtiments. Parce qu'il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de tornade, hein, il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de choses qui explosent, hein, il n'y a pas de choses qui arrivent dans, comme eux ils appellent des catastrophes naturelles, hein. Il n'y a pas de catastrophes naturelles. Il y en a dans certaines régions. Dernièrement, il y avait une inondation, hein, une rivière qui déborde. Là, ils se rappellent. Mais des fois, si ce ne sont pas des peuples croyants qui ne connaissent pas Allah ou qui ne sont pas sur le tawhid, eh bien, ils ne reviennent pas malgré les signes que Allah leur montre. Ils continuent dans la désobéissance et dans le péché. Ils disent, ah, mais ça, c'est la nature, hein. Qui se déchaînent, c'est ci, c'est ça. Et ils ne reviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples. Donc ça, c'est des exemples comment Allah subhanahu wa ta'ala ruse contre ces gens-là. Ça, c'est dans le premier verset. Dans le deuxième verset, le Cheikh dit, « Fil ayat al-thaniya, yahki Allah an khalilihi Ibrahim, alayhi salam. » أنه لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام استبعد ذلك على كبر سنه فقالت له الملائكة فلا تكن من القانتين من الأيسين أي من الأيسين فأجابهم بأنه ليس بقانت ولكنه ذلك على وجه التعجب. Donc dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala il nous mentionne qu'est-ce que son Khalil Ibrahim a dit lorsqu'il lui a donné l'annonce par les anges qu'il va être père et qu'il lui a annoncé la naissance de Ishaq. Alors il a c'est comme si, étant donné qu'il est très âgé dans l'âge, c'est comme si il avait peu, hein, comme si il pensait pas vraiment qu'une chose pareille pouvait se produire puisqu'il était très très vieux maintenant. Et donc, il a dit une parole comme ça, et les anges ont répondu, ne sois pas de ceux qui désespèrent, dans le verset 55, dans surat al-Hijr. Et c'est-à-dire, al-Qanitin, c'est-à-dire al-Ayisin, ceux qui sont atteints par al-Yas, en arabe, al-Yas, c'est-à-dire le désespoir. Et donc, il leur a répondu en disant que non, il n'a pas désespéré. Il ne fait pas partie de ceux qui désespèrent, mais qu'il disait ça dans le sens de quelqu'un qui est étonné, en fait. Et non pas dans le sens de quelqu'un qui a perdu l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux versets ? يستفاد من الآيتين أولا في الآية الأولى التحذير من الأمن من مكر الله وأنه من أعظم الذنوب. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux versets là? Premièrement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset, il nous met en garde contre le fait d'avoir la confiance ou de se sentir en sécurité du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se sentir à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est un des plus grands péchés. Deuxièmement, الآية الثانية التحذير من القنوط من رحمة الله وأنه من أعظم الذنوب. Dans le deuxième verset, ça c'est le deuxième point, la mise en garde contre le fait de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est un des plus grands péchés. ثالثا في الآيتين أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله ولا يغلب جانب الخوف فيأس فييأس من رحمة الله. Donc, dans le point numéro 3, le cheikh dit que ces deux versets-là, ce sont des versets qui obligent aux croyants de réunir deux caractéristiques. La première, c'est d'avoir la crainte, et la deuxième, c'est d'avoir l'espoir. Donc, tu ne dois pas donner plus précédence à l'espoir au point d'arriver à perdre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu donnes trop d'espoir, tu te reposes trop, ou tu retournes trop par rapport à l'espoir. Tu te bases trop sur l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa miséricorde, au point de te sentir à l'abri de sa miséricorde, au point de te sentir à l'abri de son châtiment et de son stratagème. Donc ça, c'est mauvais. Il ne faut pas que tu te reposes sur son espoir au point que tu te sens à l'abri de son châtiment. Et tu ne dois pas non plus mettre trop d'importance sur la crainte au point de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Les deux, c'est deux extrêmes, et il ne faut pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Il faut rester toujours au juste milieu. Ensuite, il dit comme point numéro 4, أن الخوف والرجاء من أنواع العبادة التي يجب إخلاصهما لله وحده لا شريك له. Donc le cheikh, il dit que la crainte et l'espoir font partie des différentes sortes d'adoration qu'il est obligatoire pour nous de purifier pour Allah seul, et de ne rien attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala comme partenaire dans ces deux formes d'adoration là. Donc il faut que notre espoir soit uniquement en Allah, et il faut que notre crainte soit uniquement une crainte d'Allah seul. Et que ça fait partie de la foi. Ensuite, le cheikh, il mentionne, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bazzar et Al-Tabarani. Et Al-Haythami, il l'a déclaré comme étant rapporté par une chaîne de narrateurs qui sont fiables. Et qu'est-ce que ça dit, ce... Donc, Cheikh, il mentionne ça, il dit que c'est rapporté par Al-Haythami dans Majmu' al-Zawaid. Toutefois, Cheikh Al-Albani, il le mentionne dans Jami' Sahih al-Jami', oui, c'est ça. Il mentionne dans Sahih al-Jami'. Le Cheikh Sulaiman al-Sheikh, dans Taysir al-Aziz al-Hamid, il l'a déclaré Hassan. Et Cheikh al-Albani, il mentionne dans Sahih al-Jami', le hadith numéro 4479. Il dit donc, selon Ibn Abbas رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله عن الكبائر الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. Donc il lui a Abdullah ibn Abbas dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet des grands péchés. Il a dit, il a énuméré trois grands péchés. Il a dit, il y a le shirk billah, c'est-à-dire de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le fait de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le deuxième. Et il y a le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mentionné donc ces trois grands péchés là. Le shirk billah c'est le plus grand, puis les deux autres ensuite, pour montrer que ce sont des très grands péchés. Puis il mentionne une autre parole aussi qui est rapportée selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et ça c'est une athar, une parole de Abdullah ibn Mas'ud qui est authentique aussi, qui est rapporté par Abdul Razak dans Al-Musannaf et Al-Tabarani dans Al-Kabir et Ibn Jarir dans son tafsir, et Al-Haythami il l'a déclaré sahih dans Majma' al-Zawa'id. Et Ibn Kathir dans son tafsir dans Surat al-Nisa le verset 31, il a mentionné que il est sahih sans aucun doute. Et donc c'est ça. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق الصنعاني. Donc Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه il mentionne que le plus grand parmi les grands péchés c'est le shirk avec Allah, puis le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, puis le fait de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, et de perdre l'espoir en l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est rapporté par Abd al-Razzaq. Al-Ya'su min rawhillah, de perdre l'espoir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va l'expliquer. Cheikh il mentionne donc que Al-Kaba'ir jam'u kabira. Kaba'ir c'est le pluriel du mot kabira. Wa hiya kullu dhanbin tawa'ada Allah sahibahu bi narin aw la'natin aw ghadabin aw 'adabin aw nafy al-iman aw rattaba Allah 'alayhi haddan fi ad-dunya. Donc les grands péchés Al-Kaba'ir, la définition de ça c'est quoi? C'est tout péché au sujet duquel il y a de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une menace pour celui qui le fait, soit la mention du feu ou la mention d'une malédiction, d'une malédiction, d'une la'na, ou bien d'une colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un châtiment quelconque, ou bien la négation de la foi, ou bien tout péché qui est relié à une peine, une punition dans la dunya. Tout ça c'est des grands péchés. Et ensuite il dit wa ash-shirku billah. Donc ash-shirku billah fi rububiyyatihi wa 'ubudiyyatihi. Ça c'est le plus grand péché, c'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa souveraineté et dans son adoration. Ensuite, al-ya'su min rawhillah ay qat'u ar-raja wal amal min Allah fi ma yarumuhu wa yaqsuduhu wa yakhafuhu wa yarja'. Donc al-ya's c'est le désespoir, de perdre l'espoir et de ne plus avoir d'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça al-ya's. Et c'est-à-dire tu n'as plus d'espoir en lui, et donc fima yarumuhu wa yaqsuduhu, t'as plus d'espoir en lui dans ce que tu as comme espoir, comme objectif, comme but et comme chose que tu espères, il y a des choses que tu espères avoir ou faire ou etc. Donc tu n'as plus d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un des plus grands péchés. Et min makrillah al-ya'su min al-amnu min makrillah ay من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان. Donc parmi les stratagèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne au serviteur du yani de il le laisse persévérer dans son péché. Il lui fait croire que il est sur la bonne voie et que qu'est-ce qu'il fait c'est correct parce que il ne le fera pas d'un châtiment. Ou bien il lui enlève ce qu'il lui a donné comme foi, hein, ou bien il lui enlève ce qu'il lui a donné comme foi. والعياذ بالله. المعنى الإجمالي للحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كبائر الذنوب هي أن يجعل الله سبحانه شريك في ربوبيته أو عبوديته وبدأ به لأنه أعظم الذنوب وقطع الرجاء والأمل من الله لأن ذلك إساء إساء ظن بالله وجهل بسعة رحمته والأمن من استدراجه للعبد بالنعم حتى يأخذه على غره وليس المراد بهذا الحديث حصر الكبائر فيما ذكر لأن الكبائر كثيرة ولكن المراد بيان أكبرهما كما يفيده أثر ابن مسعود الذي ساقه المؤلف بعده. Donc, le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il mentionne les grands péchés et parmi les plus grands péchés c'est qu'on donne des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa souveraineté et dans, dans l'adoration. Il a commencé par ce péché là parce que c'est le plus grand de tous les péchés. Puis ensuite il y a le fait de perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, c'est bien entendu d'avoir une mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, de penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une mauvaise attitude qu'on a, un mauvais comportement envers Allah. Et c'est aussi une ignorance de la grandeur de sa miséricorde. Et aussi, al-amnu min, yani al-amnu min istidrajihi lil-abd bin ni'am hatta ya'khudahu ala ghirra. Donc ça, c'est pour également. Lorsque on dit que la personne se sent en sécurité ou à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala donne à cette personne un délai, il le laisse avancer dans son péché jusqu'à ce qu'il l'attrape et qu'il le saisisse, hein, dans cet état-là. Parce qu'il a perdu la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas eu peur de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cru que qu'est-ce qu'il recevait comme bien, c'est une preuve de satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que, au contraire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui laisse un délai pour qu'il puisse justement s'approfondir encore plus dans son péché et s'enfoncer encore plus dans son égarement pour que, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala l'attrape, hein, et le punisse pour cet état-là. Wal'iyadu billah. Ensuite, il dit, et qu'est-ce qu'on veut dire ici dans ces hadiths-là? C'est pas uniquement de limiter le nombre de grands péchés à ceux qui sont mentionnés dans les hadiths en question, mais il faut comprendre que les grands péchés sont très nombreux, mais que c'est juste pour mentionner ceux parmi les grands péchés qui sont les plus importants et les plus grands. Comme c'est clarifié dans la parole de Ibn Mas'ud qu'on a mentionné justement. Ensuite, le cheikh dit, ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته من كبائر الذنوب. Donc, l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est pour indiquer en fait que ces deux choses-là font partie des grands péchés. Le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et le fait de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Ces deux parmi les plus grands péchés. Et يستفاد من الحديث اولا تحريم الامن من مكر الله والياس من رحمته وانهما من اكبر الكبائر كما عليه المرجئه والخوارج. Donc on a l'interdiction ici de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et l'interdiction de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Ce sont deux parmi les plus grands péchés, et ce sont les les voies que suivent les gens de Bid'a parmi les Murji'a et les Khawarij. Les Murji'a, ils ont donné toute l'importance sur l'espoir. Les Murji'a, ils ont mis toute leur concentration sur l'espoir seulement. Et ils ont abandonné la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont tombés dans le péché de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Hein? Et ça c'est, on le retrouve souvent chez les gens qui vivent dans le péché. Quand on les appelle à faire ce que Allah ordonne et à s'écarter de ce que Allah interdit, ils disent, non, Allah il est ghafurun rahimun. Hein? Allahu ghafurun rahim. Donc, ils persistent à vivre dans le péché et à désobéir à Allah. Parce qu'ils ont, ils se sont sentis à l'abri. Hein? Ils se sont sentis à l'abri du châtiment d'Allah. Et ils ont mis leur concentration uniquement sur l'espoir. Et ça, c'est l'attitude souvent des soufiyines, des gens qui suivent la voie des soufis, qui disent la foi c'est dans le cœur seulement, et qui pensent que tu peux vivre dans le péché, puis avoir une foi complète et parfaite quand même. Et ils suivent dans cet exemple-là les chrétiens. Hein, ils suivent dans l'exemple des chrétiens qui sont toujours en train de répéter que Dieu est amour. Et donc, ils se reposent uniquement sur l'amour et ils oublient la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils doivent avoir et le respect qu'ils doivent avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils oublient son châtiment et sa justice. Hein? Et il y a l'autre extrême qui est l'extrême des Khawarij et qui adorent Allah uniquement par la crainte. Et ils oublient l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? C'est qu'ils tombent dans le désespoir. Et lorsqu'ils commettent des péchés, par la suite, ils perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah. Donc, le résultat de ça, c'est qu'ils se disent, puisque j'ai plus d'espoir en Allah, alors je vais continuer à vivre dans le péché. Et donc, ils abandonnent l'espoir et ils vivent dans le péché. Donc, dans les deux extrêmes, nous, on doit être dans le juste milieu, parce que ces deux groupes-là sont dans les extrêmes. Les Khawarij sont extrémistes dans la crainte, et les Murji'a sont extrémistes dans l'espoir. Et nous, on doit être entre les deux. On ne doit pas exagérer dans la crainte et on ne doit pas exagérer dans l'espoir. On doit avoir les deux en même temps. Et le point numéro 2, أن الشرك أعظم الذنوب أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. Donc le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés et le plus grand de tous les grands péchés. Le plus grand parmi les kaba'ir. Le point numéro 3, أن الواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء فإذا خاف لا ييأس وإذا رجاء لا يأمن. Donc l'obligation pour le croyant, c'est, comme on a dit, d'être entre la crainte et l'espoir. Lorsqu'il a la crainte d'Allah, il ne perd pas l'espoir, et lorsqu'il a l'espoir en Allah, il ne se sent pas à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est dans le juste milieu. Donc on vient de compléter avec ça le chapitre 34 et inshallah donc il nous reste au prochain cours inshallah on va faire le 35. Hier j'étais pas là parce que malheureusement bon j'avais quelque chose à faire à ce moment-là puis j'ai pas pu donner le cours hier. Donc si vous voulez inshallah on reprendra le cours perdu demain à la même heure inshallah. Donc s'il n'y a pas d'inconvénient, on fera le cours demain. Et le sujet du cours de demain inshallah, c'est le chapitre 35 au sujet un des points de la foi, de faire preuve d'endurance vis-à-vis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné. Endurer ce que Allah a prédestiné pour nous. Donc on va essayer de faire ce chapitre-là demain, bi'idhnillah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.